très heureux de vous retrouver sur les ondes, chers auditeurs, pour à nouveau évoquer devant vous Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur Jésus. Ce personnage biblique, quelque peu énigmatique, a donc exercé son ministère avant son maître. Mais il s'est aussi présenté aux foules au nom de son maître, parce qu'il préparait son chemin. En entendant Jean-Baptiste, les foules de Palestine étaient préparées pour écouter un jour la voix du maître, de Jésus-Christ lui-même. Car Jean venait de sa part, et il s'exprimait déjà du reste dans les termes que le maître emploiera quelques années après lui, car tous deux ont proclamé aux foules « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 2 et chapitre 4, verset 17. « Repentez-vous. Seuls des hommes d'envergure et des esprits courageux osent, alors comme aujourd'hui, prêcher la repentance. » Élie, le grand prophète du 8e siècle avant l'ère chrétienne, avait osé affronter seul la nation d'Israël par une exhortation à la repentance. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 21. Or, il y a analogie entre ces deux grands prophètes, Élie et Jean-Baptiste. Car avant sa naissance, Dieu avait dit à son père Zacharie, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Luc 1, 17. Or, pour que les auditeurs de Jean-Baptiste n'aient pas de peine à l'identifier comme le précurseur du Messie, l'apparence qu'il s'est donnée l'a en quelque sorte accrédité auprès des Juifs, puisqu'il s'est présenté dans la tenue qu'Élie avait choisie des siècles auparavant. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Comme le Seigneur le soulignera plus tard dans Matthieu 11, Jean-Baptiste, qui portait un manteau de poil de chameau, était bien plus grand que les rois revêtus d'habits précieux dans les palais. Jean-Baptiste était une forte personnalité. Rien ne l'effrayait. Il dénonçait la violence et la débauche avec véhémence. Il plaidait la cause des humbles et reprenait vertement les orgueilleux. C'est avec audace qu'il a apostrophé les pharisiens venus se faire baptiser par lui, des hommes qui n'avaient aucune intention de se repentir. « Espèce de vipère, qui vous a fait croire qu'en vous faisant baptiser, vous pourriez esquiver le jugement imminent de la colère de Dieu ?» Matthieu 3, 7. Nous avons cité l'excellente transcription d'Alfred Kuhn à laquelle nous continuerons de nous référer. Jean s'adressait à toutes les catégories de la société. « Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Au collecteur d'impôts, il déclarait « N'exigez rien au-delà des tarifs prescrits. » Et lorsque des soldats lui demandèrent à leur tour ce qu'ils avaient à faire, il leur répondit « Ne chicanez personne et ne commettez pas de violence. Ne cherchez pas querelle aux gens. N'extorquez pas d'argent sous la menace. Contentez-vous de votre solde. » Luc 3, 10 à 14. Comme le Seigneur l'a rappelé plus tard, Jean parlait avec une telle autorité que les foules le considéraient comme un envoyé de Dieu. À tous, Jean disait « Prouvez donc par vos actes que votre repentance est sincère et que vous voulez réellement changer de vie. » Luc 3, 8. Or, s'il est un mot mal compris, c'est bien celui de repentance. S'il est une expérience souvent escamotée, c'est bien celle-là. La repentance est un acte de volonté pour se détourner du mal, un changement d'état d'esprit et d'attitude face au péché. La repentance est le point de départ de toute vie chrétienne véritable. Une repentance sincère implique la confession du péché à Jésus-Christ et l'abandon de la pratique du péché. Jean ne baptisait que ceux qui se repentaient en s'engageant par un témoignage public. Vous le voyez, chers auditeurs, nous sommes ici bien loin des baptêmes infligés aux nouveau-nés, puisqu'il s'agissait d'un acte conscient auquel s'engageaient sciemment des adultes. Tout acte sincère de repentance coûte cher à l'orgueil de l'homme. Il est plus facile de s'y soustraire par des excuses que d'abandonner son péché. Les pharisiens et les docteurs de la loi, ou si vous préférez, les représentants du clergé juif, n'ont guère apprécié les invectives de Jean. Ils n'ont pas voulu se repentir publiquement et confesser leur hypocrisie. Ainsi se sont-ils exposés au jugement divin, un endurcissement de cœur qui s'est renforcé au cours des années, au point que le Seigneur Jésus dira d'eux « En ne se faisant pas baptiser par Jean, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Luc 7:30. Et dire qu'il y avait pour ces terribles hommes qui ont fini par crucifier Christ un merveilleux dessein d'amour et de grâce de la part de Dieu, un plan duquel ils se sont privés en refusant de se repentir devant Jean-Baptiste au désert. La repentance était donc au centre du message de Jean. Pour lui, il était impératif que son peuple se prépare à l'imminente venue du Messie. Il fallait donc que les uns et les autres abandonnent la pratique du péché, se détournent du mal, s'amendent de leurs nombreuses fautes et recherchent la justice et la sainteté dans leur vie quotidienne. Cependant, le message de Jean-Baptiste allait bien au-delà d'un sermon moralisateur ou d'une véhémente invective contre les coupables encourant les foudres du jugement. Il était pénétré d'espérance, puisque tous ses discours se focalisaient sur la personne du Messie qui allait bientôt se manifester. Pour lui, le Messie viendrait avant tout comme la lumière du monde. Mais il se présenterait aussi tour à tour comme sculpteur, bûcheron, moissonneur, et surtout comme agneau, ainsi que nous allons le voir. D'abord, Jean-Baptiste annonce Jésus comme étant la lumière. Nous lisons au début de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 6 à 11. « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jean a donc annoncé au monde l'imminente venue de celui qui est la lumière du monde, celui dont la présence veut illuminer nos esprits et nos vies, parce qu'il veut mettre sa clarté au sein de toutes nos obscurités. Puis Jean a entrevu un autre aspect du ministère de Jésus-Christ, lorsqu'il a dit au chef des Juifs, « Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » D'une pierre sans vie, Dieu peut susciter un enfant à Abraham. C'est-à-dire que Jésus-Christ est prêt à changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Divin sculpteur, il aimerait produire en nous une œuvre durable, afin que nous devenions des pierres vivantes, capables d'entrer dans la structure de l'édifice de son Église. Les enfants d'Abraham, selon l'Esprit, remplaceront donc, pour un temps, les fils d'Abraham selon la chair. En d'autres termes, les non-juifs qui se convertiront prendront momentanément la place des fils d'Israël, et cela en attendant leur réhabilitation. Car à l'égard de la nation d'Israël, le Seigneur agira comme un bûcheron. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Autrement dit, Israël, qui n'a pas porté les fruits que Dieu attendait, sera retranché pour un temps de ses privilèges religieux et dispersé loin de son pays, jusqu'au moment où il sera ramené dans son territoire et réintégré dans sa mission. Par ailleurs, la vision de Jean-Baptiste se polarisait encore sur le retour de Jésus-Christ en gloire pour juger le monde. Le Seigneur présidera alors à la moisson universelle, c'est-à-dire au jugement des nations. C'est pourquoi il aura son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Luc 3:17. À l'époque de Jean-Baptiste, les moissonneuses-batteuses n'existaient pas, mais on utilisait le vent, V-A-N, un panier à fond plat dans lequel on secouait le grain pour que l'enveloppe s'en détache. Exactement ce que le divin juge fera lorsqu'il séparera ceux qui ont Dieu dans leur cœur de ceux qui ne l'ont que sur leurs lèvres. Chers amis, dans quelle catégorie êtes-vous? Êtes-vous le grain ou la paille? Faites-vous partie de cette immense majorité de chrétiens d'étiquette qui, parce qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont fait leur première communion ou leur confirmation, pensent qu'ils sont en règle avec Dieu, alors qu'ils ne sont pas pour autant sauvés du péché, parce qu'ils ne se sont jamais repentis et qu'ils n'ont pas reconnu en Christ leur sauveur personnel. Aussi, le Saint-Esprit n'est pas en eux, et de ce fait, ils ne possèdent pas la vie éternelle. Or, le point culminant de la prédication de Jean-Baptiste les concerne de premier chef. Lorsque le prophète a vu venir à lui le Messie, il s'est écrié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Jésus-Christ n'est pas seulement lumière, sculpteur, bûcheron ou moissonneur. Il est avant tout agneau, l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été sacrifié, immolé à la croix du calvaire, où il a versé son sang pour l'expiation du péché des hommes. Nous en reparlerons dans notre prochain entretien sur les ondes. Mes chers amis, n'attendez ni la prochaine émission, ni même la fin de cette journée, pour venir à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, car en cet instant, il voudrait devenir votre sauveur personnel pour l'éternité.